monde, on est jeudi, il est présentement 16h et des poussières. Ça veut dire que c'est maintenant l'heure de la grande traversée du jeudi Plectrum en ma compagnie, André Péloquin, ou comme le monde de Sherbrooke entendrait chez eux. Parce que CISM se rend mal chez eux. Salut public, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as passé une agréable Saint-Valentin. As-tu été au lancement de Malajube? J'espère pour toi, car c'était charmant. Pour ceux qui ont manqué ce magnifique concert, eh bien procurez-vous vos billets. Ils seront de passage au La Tulipe, encore une fois, le 21, ou encore mieux... Passez nous voir au Sepsum ce vendredi le 17. Ils feront partie des festivités entourant le 15e anniversaire de CISM, la radio que t'écoutes en ce moment, yo! En compagnie de groupes comme les Trois Accords, les Cowboys Fringants, Yann Perrault, le gars qui me copie, là. Et c'est demain. Et je vous invite à venir. D'ailleurs, si vous venez, moi... Et Martin Roussy de la Grande Traversée du Lundi et Mathieu Graton de Radio Foz et d'autres compagnons de route, nous allons vous distribuer des compilations 15 ans de marge CISM. C'est le seul endroit où vous pourrez en avoir. Venez nous dire bonjour, venez vous prendre en photo avec nous. On va signer vos poitrines, ça va être magnifique. Là-dessus, trêve de bavardage inutile. On commence dès maintenant avec ce que vous voulez entendre de la musique. On va débuter avec du Nous Non Plus, les ex sans culottes. Ils seront de passage lors du festival Under the Snow au Divan Orange. On va aussi entendre du Dondi Fauché, un groupe qui commence à faire un peu de bruit à Montréal et ça s'appelle Le Nom. Et on va terminer avec un autre groupe qui fera partie de ce fabuleux, magnifique, jouissif concert des 15 ans de CISM, c'est-à-dire WD40. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com ou encore passer par mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Pour ceux qui s'amusent avec la technologie et qui trippent scène locale, eh bien, allez sur mon podcast, ma balade de diffusion, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute maintenant avec Tant pis pour toi, des Nous Non Plus sur la marge. À tout de suite. C'est fini les sans culottes, on en a tous ras le cul. C'est fini les coups de poignard dans le dos, on n'en peut plus. Tu nous hais, nous non plus. Comment ça tu es surpris par les fruits de ta récolte? Comment ça tu es surpris par les effets de la révolte? Et pourtant, fallait prévoir.

s'asseoir, asseoir de le désespoir. Je pense que je vais faire demain. Demain, je penserai que je fais rien. J'ai tellement mal en dedans. Tu peux pas comprendre comment je me sens. Je file tellement fucké que même moi, je sais pas ce que j'ai. Tu veux-tu me consoler? J'ai même plus capable de fourrer. Ainsi, c'est plate d'avoir de la peine. Surtout la fin de semaine. La vie en vaut la peine. Pépé que je vais trancher les veines. Et si je m'arrachais un bras, ben je suis sûr que ça saignerait même pas. Je vais pas dormir, je vais plus bouger. Je vais juste souffrir pour dégriser. Puis quand je me pitche de l'eau d'en face, ben ça change juste le mal de place. Je voudrais mourir sur le bord du chemin, dans le fossé de l'autoroute 20. Ouais, une merde dans le bout de là-bas, au bout de la ligne d'Air Canada. Tristesse, tristesse, tristesse, tristesse, tristesse, tristesse, tristesse. Du feu dans la cheminée! Bonjour tout le monde! Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On a débuté cette émission avec du WD-40. C'est la pièce qu'on vient d'entendre. On avait c'est la pièce Tristesse tirée de leur album, leur anthologie. Tout pour le rock. Un peu avant, on avait le nom avec Boy Toy With No Joy, tiré du maxi Allez chérie, fais-moi mal. Un peu avant, on avait les Dandys Fauchés avec Les Chères Mains, c'est tiré du Dandy Rock Démo. Et on a débuté avec Les Nous Non Plus, c'était la pièce Tant Pis Pour Toi, tiré de leur album éponyme. On va poursuivre avec des trucs un petit peu plus tristounet indie rock à la mode, s'il vous plaît. On va débuter avec le projet d'Alex Champigny, Les Trompe-l'œil. Pour ceux qui écoutent l'émission, souvent, vous savez que j'ai une fascination incroyable pour les Trompe-l'œil. Eh bien, c'est un inédit, une pièce que vous pourrez retrouver sur la compilation 15 ans de marge de CISM. La pièce s'appelle Bouddha Cinéroll. Ensuite, on va y aller avec un nouveau projet des Lascars derrière Tremolo, c'est-à-dire Hellmonter. Et la pièce s'appelle Vive l'automne. Ensuite, on va y aller avec le Husky, avec Mourir comme un chien. Et on va terminer avec un groupe qui est présentement en deuxième position du palmarès des ventes chez Archambault. Et ça, c'est devant Dracula, Entre l'amour et la mort, qui est en 11e. C'est devant Antoine Graton, qui est en 19e. Je crois qu'il en a vendu 6. Et c'est devant Jean-François Brault et son tout nouvel album exposé. Je parle bien sûr de Malajube. Et on va entendre une toute petite pièce toute cute qui s'appelle Étienne Daou. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com ou encore passer par mon site web. Venez me rendre visite. Enlevez vos souliers, c'est le plectrumcism.blogspot.com. On débute de maintenant avec Bouddha Cinéroll des Trompe-l'œil. À tout de suite! I hit the ground, bang, bang. That awful sound. We'll Hey, rebonjour tout le monde. Vous écoutez toujours CISM, la radio de l'Université de Montréal. Pour ceux qui sont nés sous une roche, bien j'aimerais leur mentionner qu'on parle beaucoup de CISM ce temps-ci à cause du 15e anniversaire et qu'on dit dans la presse qu'on joue des artistes qui sont dans la marge et que les animateurs sont en toute liberté de choisir les pièces qu'on peut jouer. C'est vrai, mais il y a d'autres choses aussi. Les animateurs sont libres de faire des trucs en ondes comme « Pour une histoire, un soir, avoir envie de changer de peau ». C'est toujours Plectrum, Grand Traversée du jeudi. Je m'appelle André Péloquin. On vient de terminer avec Étienne Daou de Malajube. C'est tiré de leur album Trompe-l'œil. Un peu avant, on avait le Husky avec Mourir comme un chien. C'est tiré de leur maxi éponyme. Un peu avant, Elmonter avec Vive l'automne. C'est un simple. Et on a débuté avec Les Trompe-l'œil avec la pièce Bouddha Cinéroll. C'est tiré de la compilation 15 ans de marge. On va poursuivre avec des pièces un petit peu plus hip-hop maintenant. On va débuter avec du Gatineau. Ensuite, on va y aller avec du L'Atelier. On va enchaîner avec les Robots de la Rime qui seront... on va d'ailleurs en parler à l'émission sur la scène locale qui est diffusée au canal Vox ce vendredi. Surveillez ça. Et on va terminer avec le Club des Losers. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à plectrum.cism@hotmail.com. C'est le plectrum.cism@hotmail.com. Ou encore passer par mon site web pour avoir plus de détails sur la programmation d'aujourd'hui au plectrum cism.blogspot.com. On débute de maintenant avec 7 carrés de Gatineau le Gros sur la marge. À tout de suite! Hey! Bon, bah, ok, là. Approchez-vous un petit peu, là. Je vous trouve loin. Ah, êtes-vous dedans, là, pour un autre 7 carrés, là? Parce qu'on est que nous autres, les petits gars du Gros Gatineau qui vont venir nous pousser une belle petite surlite, là. Comme la soirée canadienne, j'pars tout ce qu'on est partant pour faire, partant à l'ancienne. C'était traditionnel avec une touche additionnelle. Quand j'fais ça qu'une paire de pince large, puis j'me sens fané quand j'l'ose. Mais c'est pas dit, papa, dis quand même bien. Est-ce que me veiller dans la tête avec sa naissance de partant? On va crisser des bûches d'abois, est-ce qu'on dit ça à la nuque? Sortir l'accordéon, t'en s'attends tout de suite, Joe, allez, on est bas. Je vous vois, drette là, y'a pas ta perte d'ex, ça sort bras dessous. Mais si mon nez bien sous, mais si mes consorts disent, c'est ça la denesse, t'es tout. Je vous vois, toute la paroisse, va mouiller, mouille en bacaise. Vous levez sur vos chaises, y'a, comment ça presse. Que bonnet de Québécois d'assis sous sa caisse. Oh, qui fait chaud, ouais, c'est dingue, comme dans une fournaise. Dans cette corée, jamais je croirais, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Vu vous corriez, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois, toute l'assistance, la moi débrouiller. Dans cette corée, jamais je croirais, c'est pas ta forêt. Et mieux pas rester personne à la place des forêts. Rapport se pas souvent quand ça déboule la mythe. Je vais toute la parade des fesses, la dread, elle mâche pit. Faut que le monde participe avant qu'il participe. La masse, ça marche, en avance en tasse. Que personne jase pendant que le joint se passe. Mibo sort tes passes, mais si tu veux pas que ça brasse, ta tête est mieux une petite tasse. Ah, tu veux savoir qu'est-ce que je sais que ma grand-mère. Les TV boss de tout le temps, ceux qui en veulent. Ça s'en veut un de ces trois et qui est du chrome. Tu vois dans mon live, dans ton coq rond. Tu viens de village, des beaux en fond. Laisse ta gêne droit, donne-toi bon. En graissant de la crête, c'est gâte. Les gars les bars tiraillent, l'assistance éparpillée, rapide chance de pareiller. Crioyer! Tu m'étonnes la langue, elle l'aime rapoyer. Parle-moi pas de bodyscape, parle-moi pas de pépapécaire, parle-moi pas de merdicaire, parle-moi pas d'avoir mes doigts. Mais reste pas planté là comme un estiliste tordu. Bouge ton cul comme ça, tout de monsieur pointu. Avec moi dans la cabane, ça se passe comme dans le temps des fêtes. Ça se passe comme dans le temps de nos ancêtres. Faut que ça chiche qu'attaque la tonne arrête. Fait que je veux pas de snob, de bad boy pis die bite. Je white toute la paroisse, va mouiller, mouiller à bacaise. Vous levez, tu vas chasser, comment ça passe. Jamais je courrie, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous courrie, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois toute l'assistance, va mon débrouiller. C'est à cette forêt. Jamais je courrie, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous courrie, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois toute l'assistance, va mon débrouiller. C'est à cette forêt. Jamais je courrie, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à la place des forêts. Mais vous courrie, c'est pas ta doyer, c'est pas ta broyer. Je vois toute l'assistance, va mon débrouiller. C'est à cette forêt. Jamais je courrie, c'est pas ta forêt. Mieux pas rester personne à la place des forêts. Dans mon milieu, les femmes. Excusez-le. Pas d'amis. Tu sais, le hip-hop sera toujours là pour toi. C'est vrai? Le hip-hop, c'est mon pote. Il m'invite à manger chez lui. Tous les lundis, c'est spaghetti. Et les mardis, c'est vrai qu'il le hip-hop, c'est mon pote. Quand il travaillait au quick, il me sortait des cheese et des boissons gratuites pendant que le manager faisait frire les frites. Le hip-hop, c'est notre pote. Surtout quand il sonne faux. Masso, j'aime quand il me cogne, violent comme un pogo. Le hip-hop, c'est mon pote. Il me check quand je le croise dans la rue. Je lui demande qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je me prodigue. Le hip-hop, c'est mon pote. Sauf quand il squatte la salle de bain, qu'il rappe avec la brosse devant la glace pendant 2 heures tous les matins. Le hip-hop, c'est la lumière qui se cache derrière mon iris. Malicieux comme un morpion qui s'accroche à un buis. Le hip-hop, c'est mon pote et celui de tous ceux qui ont arrêté le basket. Depuis Jordan est à la retraite. Le hip-hop était mon pote jusqu'au jour où j'ai vu ça raconter avec du champagne et des mannequins dans un clip pourri de R&B. Après, je lui en voulais trop, mais en fait, ce n'était pas lui. Ah bon, bah, ça va alors. C'est mon ami. Moi aussi. C'est notre ami commun. Dans le rap on est tous copains. Le hip hop c'est mon ami. Moi aussi. C'est notre ami commun. Dans le rap on est tous copains. Le hip hop c'est mon pote. Vu qu'il me fait voyager au creux de la pulsion plutôt que de me perdre au centre du vide. Le hip hop et moi on est intime. Je peux même te dire qu'il est juif et qu'il adore le pain azim. Le hip hop c'est trop mon pote. Mais je me demande si moi je suis vraiment le sien. A chaque fois que je repense à toutes les fois, il m'a laissé en chien à l'entrée des concerts. Mes parents disent que c'est juste un ami imaginaire. Comme Gustave, ce petit farfadet à qui j'aime confier mes échecs amoureux. Le hip-hop c'est mon copain, taquin, malin, câlin, brin, coquin. Un peu sourire, il a rendu du dessus mon voisin. Le hip-hop c'est mon pote, je crois qu'il drague ma petite sœur. J'ai fait semblant de ne pas avoir remarqué, mais pour son anniversaire, il lui a payé un ghetto blaster. Le hip-hop c'est mon pote quand il me fait rentrer au bain. Et grâce à lui, je fais la bise à la pute des podiums sur les deux seins. Le hip-hop c'est mon critique de cinéma. Grâce à lui, j'ai vu Titanic pour le côté romantique. Et avec méga Scarface, c'est le paratroi. Le hip-hop est mon meilleur pote, c'est pour ça qu'il finira par baiser ma femme, voler mes thunes et mourir de regard à Amsterdam. Le hip-hop c'est mon ami. Moi aussi. C'est notre ami commun. Dans le rap on est tous copains. Le hip-hop c'est mon ami. Moi aussi. C'est notre ami commun. Dans le rap on est tous copains. Le hip-hop c'est mon pote. S'il était un métier, il serait politicien dans la rue des faux. B-boy ou qu'il soit un créateur de l'expression. T'as vu? Le hip-hop c'est mon super pote quand il fait le boxon. Mais un ennemi quand il est plat comme une vibe de Matisse. Le hip-hop c'est mon pote, mais je me demande s'il n'est pas un tout petit peu con. Pour ne pas se rendre compte que la plupart des gens qui traînent avec lui ne visent qu'à une seule chose, son exploitation. Ouais, mais moi il m'a fait un dessin dans mon agenda. Ah ouais, super. Le hip-hop, je les connais trop bien. Un jour, je me baladais à Châtelet, je l'ai croisé dans un magasin et il m'a même serré la main. J'ai que 10 doigts sur mes mains. Et si je consacre l'un de hip-hop, je garderai le majeur pour mes ennemis. Car malgré tout, il reste mon pote. Le hip-hop, c'est mon poteau, appelé l'invisible ami. Imaginaire et irréel comme la femme de Fuzati. Le hip-hop, c'est mon pote, ni un poète sans barrière. Et pour faire bien, je philosophe comme sur Paris Première. Le hip-hop, c'est trop mon pote, mais j'ai des doutes sur sa sexualité. En général, il s'accorde mal avec la féminité. Le hip-hop, c'est mon pote homo. Il fait des peintures dans les galeries, il est ami avec Jean-Paul Gaultier et Nana Mouskouri. Le hip-hop, c'est mon pote homo belge. Et alors? Ben ouais. Thank you. gars dans la cour de l'école, il ne voulait pas jouer avec les autres enfants. Assis sur un banc, il vous regardait les yeux écarquillés, mais vous le dédaignez, préférant Nicolas, ce jeune streamer en culotte courte, chouchou de toutes les filles. Il vous donnait des bisous sur la bouche, mais sans la langue cachée au fond du trou, pour ne pas que la maîtresse et les surveillantes aient la moindre chance de vous voir. Je connais un petit garçon qui, en vous surprenant un jour, a appris très tôt ce que vous pouvez être, les chagrins d'amour ainsi que le désespoir. Au CPCE1, CE2CM1 et même au CM2, il était amoureux. Petit autiste au fond de la classe, attendant patiemment que les heures se passent pour sortir à la récréation, essayer de vous voir, attirer votre attention. Une tâche très difficile lorsque la seule chose qu'il avait trouvée était de vous taper afin de prouver à ses camarades que vous ne provoquiez aucun sentiment en lui. Vous ne répondiez que par le mépris, occupé à jouer à l'élastique. Une fois sans dire un mot, orgasmique, vous donna toutes ses billes, c'est romantique. C'est en quatrième qu'Orgasmique organisa sa première boule de 18h jusqu'à minuit. Ce jour-là, il avait mis son nouveau jean blanc et son blazer, attendant patiemment qu'il soit 11h pour danser un slow avec l'élu de son cœur. Malheureusement, bien avant, Stéphane vous colla la langue au fond de votre bouche alors que vous dansiez sur du technotronique. Je connais un jeune adolescent boutonneux très déçu par votre comportement. 3 ans plus tard, dans votre appartement, votre email céda sous la pression d'un pénis appartenant à un certain Lionel. Heureusement, à cette époque, Orgasmique prenait déjà beaucoup de drogue. Orgasmique, le psychologue, est secrètement amoureux de vous. Orgasmique, le psychologue, est secrètement amoureux de vous. Orgasmique, le psychologue, est secrètement amoureux de vous. Orgasmique, le psychologue, est secrètement amoureux de vous. Il aurait pu être ce bon copain de fac qui prête ses cours à la fille qu'elle aime pendant qu'elle traîne avec son mec et passe son temps à se faire ken. Il aurait pu, mais ne fut pas. Pendant 4 ans enfermé dans sa chambre, il fumait des joints et faisait des scratchs. Ce n'est pas pour ça qu'il vous oublia. Une photo de vous était scotchée sur le mur en dessous duquel il avait ses platines. C'est en pensant à vous qu'il trouva la plupart de ses flairs et ses meilleures routines. En 3ème année, vous faire la connaissance de ce qu'allait devenir votre futur mari. Élève brillant et sûr de lui, vive la vie. Un jour dans la rue, vous croiserez ce type aux yeux un peu rouges, au crâne rasé. Il vous dira, te rappelles-tu de moi? Vous absolument pas, mais vous ferez semblant. Lui parlant à mi-voix de vos deux enfants, avant de partir très mal à l'aise, lui laissant dans la main un papier dans lequel il aura inscrit votre numéro de téléphone. Par une maussade matinée du mois d'octobre, un homme déposera une douzaine d'euros sur votre cercueil, mais vous ne verrez pas, car vous serez dedans autour de la tombe. Votre famille et vos proches demanderont qui cet homme peut-il bien être. Orgasmique, le psychologue, est secrètement amoureux de vous. Et toi, sale pute, tu t'en fous. Babouap, bouap, super cool tout le monde. Bonjour, vous écoutez toujours La Marge 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer quelques pièces hip-hop avec le Club des Losers. C'était la pièce DJ Orgasmique est secrètement amoureux de vous. Un peu avant, on avait Sympathie pour les robots, des robots de la rime. C'est tiré de la compilation 15 ans de marge de CISM. Un peu avant, c'était l'atelier, un projet connexe à TTC. C'était la pièce Le hip-hop, c'est mon pote! Tiré de leur album Buffet des anciens élèves. On a débuté avec le 7 carré de Gatineau. Un autre extrait de la compilation 15 ans de marge de CISM. On va terminer cette première heure avec des pièces un petit peu plus pop. On va débuter avec nos bons amis de Natacha. Ensuite, on va y aller avec du Colin Gagné. Et si on a le temps, on va passer à un remix de Je ne sais pas de Dumas. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com ou encore passer par mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Tu aimes ça la technologie? Tu aimes les podcasts et la scène locale? Eh bien, va sur le site radiolibre.ca. Non! Non! Va sur podmodernisme.blogspot.com et capote et trip avec cette balado-diffusion qui n'appartient pas à un conglomérat de communication. Oh, on débute maintenant avec le Rouge Joujou de Natacha sur la marge. À tout de suite. Un bouquet de fleurs au cœur. c'est au nord. Là sur là, sous les yeux oubliés puis entendre une allumette en feu. Est-ce un oui en silence? Parlant de chaleur, puis d'hémisphère. équateur. Il y a un gars qui se tient sur la ligne avec un évier de chaque bord. Puis là, le gobain, il ouvre les valves. Puis d'un bord, l'eau tourbillonne dans le sens contraire de l'autre bord. C'est pas très clair tout ça, mais savais-tu que le gars là-bas, il fait payer le monde pour voir ça. Mais entre toi et moi, puis le gars des vortex, est-ce que tu penses aussi aux sexagénaires qui vont voir ça et puis qui reviennent perplexes? Mais entre toi et moi et puis l'attraction terrestre, est-ce que tu penses aussi aux facteurs à Valcomo qui se dit qu'avec la voix qu'il a, il aurait pu devenir Jean-François Pro? Pas grave, garde ça comme ça. Remets donc la toune encore une fois, parce qu'au moins ça j'y crois. J'bouge plus d'ici, le mouvement c'est pour les arbres. Ben non, c'est pas grave, non, garde ça comme ça. Remets donc la vie encore une fois. C'est pas demain ma mort. De toute façon, il commence à faire chaud dehors.